Alors bien mix parti, 2018, 93, lundi à ça, DJ Amida. Musique à fond dans la gobe, je maraude sur Panama avec ma dope. Ouais. Quand il pleut tout le monde se mouille, je veux être mignon quand il fait pas beau. J'ai un laisse faut que j'aille faire vélo, elle me dit que je suis un vrai salaud. Je fais jamais 225, je suis avec mes gars sous le BKO. Ils viennent de péter le boss du four, mais ça vend toujours, y'a les keufs qui tournent. Lâche pas ta merde d'où tu traînes, ce soir on sort dans le club, on nique tout. Je me pose des questions. Sans pression, ce soir je rentre avec elle, sans pression.